cours numéro 3. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد الشيخ سعدي رحمه الله il a cité dans cette nasiha un fasl azim qu'on a lu dans le dars précédent أن parmi les fondements de ce din الأخوة الإيمانية أي la fraternité et il a cité قول النبي صلى الله عليه وسلم وكونوا عباد الله إخوانا et cette fraternité كما قال عز وجل في القرآن الكريم واعتصموا بحبل الله جميعا cette fraternité elle doit être autour de الكتاب والسنة أي fondée sur le kitab et la sunna pas sur التعصب أو du nationalisme لا دين لأن الله عز وجل قال إنما المؤمنون إخوة ça montre أن هذه الأخوة c'est par rapport à l'Iman وقال dans le chapitre d'après qu'on lit inshallah ta'ala اليوم فصل ومن الاصول العظيمه المهمه لصلاح الدين والدنيا السعي في اصلاح التعليم واصلاح الاخلاق لهذا يجب العنايه التامه في جميع المدارس والمعاهد والتعاليم الابتدائيه والنهائيه في تعاليم الدين هذا سان اصل عظيم l'éducation لان cette jeunesse de croyants, les enfants d'aujourd'hui. Fahaoula, ils ont besoin de inaya, surtout à notre époque. Surtout à notre époque et surtout dans certains endroits. Pourquoi? Les anna, un nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a démontré anna, comme qala alayhi sallallahu alayhi wa sallam, kullu mawloud yulad ala al-fitra. Chaque enfant il est ala al-fitra. Fa'abawahu yuhawidanihi ou yunassuranihi ou yumajjisanihi. Les parents, ils peuvent le rendre chrétien, ou juif, ou majus, ou autre. Ça montre qu'un cet enfant est né à l'al-khir, et par rapport à son entourage, par rapport à son éducation, par rapport à ses fréquentations plus tard, par rapport aux informations qu'il recevra, il aura une aqida. S'il est éduqué à l'islam, au sunnah, inshallah, ça sera un mu'min, il sera à l'al-khir. S'il est éduqué à l'yahoud ou al-nasara, cette fitra, elle peut être déformée. C'est pour ça que l'enfant, et vous avez remarqué, il accepte tout au départ. Cet enfant, si tu le mets, tu le places, pour apprendre le Coran dans un marquez, dans une école, pour apprendre le Coran, pour apprendre la langue arabe, alhamdulillah, il ne te dira jamais non. Et là, c'est un enfant, ouah. S'il est placé à Indal Kufar, il ne dira pas non. Un enfant, il s'adapte très vite. C'est pour ça que Cheikh Huna Yaqoul, إصلاح التعليم وإصلاح الأخلاق لأن ça va ensemble. Si le ta'lim il est bon, ce ta'lim et l'éducation elle sera fondée sur le mu'taqad sahih, sur l'iman. Des choses simples au départ, c'est un enfant. Il aura de l'amour pour le prophète sallam, pour les compagnons du prophète sallam, pour les savants de l'islam. كذلك les bons comportements ils lui seront éduqués. Ne pas mentir, ne pas être injuste, avoir une tenue correcte, un langage correct, respecter ses parents, etc. إصلاح التعليم سيمبليكرا إصلاح الأخلاق العكس بالعكس العكس بالعكس سي والعياذ بالله cet enfant il est éduqué عند الكفرة dans leurs écoles fa beaucoup de principes qui sont connus عند المسلمين الفطرة elle les accepte ربما cet enfant avec l'âge il reconnaît plus هذا قال لهذا يجب العناية التامة في جميع المدارس والمعاهد والتعاليم الابتدائية والنهائية في تعاليم الدين il conseille d'avoir de la fermeté. D'avoir de la fermeté fi hada. Al-inaya tamma fi jami' al-madaris. Dans toutes les écoles. Que ce soit les écoles pour les enfants, ou pour les adolescents, ou pour les adultes. Qala, wa fi tatbiq akhlaq al-din ala al-mu'allimin wa al-muta'allimin. Ces écoles, cette éducation, elle doit être fondée sur des. Le professeur et les élèves. Pas de laïcité, pas de démocratie, pas de liberté qui contredit nos textes, le Coran ou le Sunna, là. Mathalan, la mixité, c'est interdit dans l'islam. Qala Nabi sallallahu alayhi wa sallam, iyyakum wad-dukhul 'ala an-nisa. Attention, mise en garde du Prophète sallallahu alayhi wa sallam, ne rentrez pas où il y a des femmes, dans un endroit où il y a des femmes. Donc, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a interdit que cette éducation, les écoles qui sont venues après lui, que ce soit des hommes et des femmes. Hada la yajouz. C'est une fitna. Al-mu'allim, il n'a pas le droit de contredire hada. C'est un professeur, lakin c'est un abdillah. Et Allah subhanahu wa ta'ala amarahu bittiba' al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Ya ayyuhal ladhina amanu ati'u Allahu ati'u al-Rasul. Si c'est un mu'min, il doit obéir à Allah et craindre Allah. Donc il doit enseigner que dans une école qui n'est pas mixte. Kadhalik les élèves. Et personne n'a le droit de se révolter, de se rebeller, je ne suis pas d'accord. Ça ne fait pas partie de akhlaq le mu'min. Qala, فَلِهَذَا أَثَرُهُ وَالْفَعَالِ فِي حُسْنَ نَتَائِجِ التَّعْلِيمِ وَحُصُولِ ثَمَرَاتُهُ الدِّينِيَّ وَالدُّنْيَوِيَّ. Non. Les fruits de ce ta'lim, ça se rapporte au din. C'est pour ça que tu trouves certains musulmans, ils ont fait de longues études. Alors, leurs enfants, ils sont dans certaines écoles. Et tu ne vois pas une thamara par rapport au din. Les comportements, ils sont mauvais. L'aqida des choses qui sont fausses. Ta'athur bil kuffar. Il n'a pas cette éducation islamique. Il y a cette éducation, il faut des sacrifices, ya jama'a. Et ne crois pas que tout le monde peut éduquer tes enfants. C'est un khata. Allah kathir minan nas, même s'ils sont diplômés, même s'ils ont des écoles, même s'ils ont des institutions autres, wallah, ils ne sont pas ahlan. Ils n'ont pas les capacités, ils ne méritent pas d'éduquer les enfants des musulmans. Abadan. Qala. فتعاليم الدين إذا جعلت هي الأساس والأصل في التعليم ثم طبقت التعاليم الآخر عليها وأنها من وسائلها وبما يعين عليها وكلها ترجع إليها فإن الدين يهدي ويرشد للتي هي أقوم وأصلح من جميع العلوم التي تفيد الناس في دينهم ودنياهم ويستغنون بها عن الأجانب. لتمونغ هنا en tant que mu'min, on a ce qui nous suffit, walillahil hamd. On a des gens qui sont compétents pour eux, pour enseigner aux enfants, walillahil hamd. On a des ouvrages, avec des masadir, des références, Qur'an, Sunna, les livres de nos savants, que ça soit dans l'aqidah, que ça soit dans les comportements, que ça soit comment faire l'ibadah, que ça soit comment apprendre à lire, à écrire, à compter. Tout ça, walillahil hamd, on n'a pas besoin de l'ajani. Fata'ajjab l'an, certains musulmans, ils font confiance. Fait le haqiqa, c'est faire confiance. Si tu places ton enfant dans cette école, c'est que tu fais confiance. Tu n'aurais pas confiance, tu le laisses pas. Tu ne pourrais pas. Sauf si on t'a forcé et tu ferais tout pour trouver une issue. Amma kathir min al-muslimin, ils ne sont pas forcés et ils ne cherchent pas à trouver une solution. Bel, il dépose son enfant à l'école et pour lui, c'est tout à fait normal. Ça montre qu'il y a un khalal fil aqid. Amma wallah, il n'aurait pas confiance s'il ne le pose pas. C'est pour ça que tu trouves kathir min al-nas, quand il s'agit de l'argent, ils font beaucoup d'efforts. Il place pas son argent, c'est n'importe qui. Abadan. Allah, Rabbama, 10 euros, il ne le donne pas à certaines personnes. Il sait qu'il ne lui rendra pas. Et son enfant, le premier qui vient, Rabbama, il le laisse des heures. Akthar min hada, il les place l'un à la crèche ou à la maternelle, ils apprennent ni à lire ni à compter, et ce n'est pas obligatoire, et ils les mettent quand même. Ça montre quoi? Ça montre un problème, fil qalb. Il y en a un certain âge, c'est obligatoire. Avant l'obligation, un kathir minhum, ils ont du tasawul, et ils placent quand même son enfant. Pourquoi? T'as pas peur pour cet enfant? Et qu'est-ce qu'ils vont lui apprendre? Au départ, ils apprennent pas à lire, à compter là. Au départ, ils font des dessins, ils jouent, ils dansent. Fa anta tarda li waladik bi hada? Et il fait les efforts avant que ça devienne obligatoire. Maintenant, en France, l'école est obligatoire à 6 ans. Tu dois faire les efforts pour patienter face à cette épreuve et trouver des solutions pour sortir d'une bilad al-kufr. Si t'es éprouvé bi hada, t'as des années, walillahi alhamd. Si t'as un enfant, avant qu'il atteigne l'âge de 6 ans, trouve une solution. Trouve une solution et avant l'obligation, ne le mets pas inda al-kafara. Et quand ça devient obligatoire, sta'in billah et pars avant, si tu peux. Allah al-musta'an. On a déjà dit et on répète al-hijra et toutes ces choses, c'est pas par rapport à l'argent. C'est par rapport à l'iman. Wal-muwaffaq man waffaqahu Allah al-muslim. Il doit revenir à Allah subhanahu wa ta'ala et fi sujoudi. Et في دعائه il demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il lui facilite. قال ويعلم أو يعلم بذلك غلط من قصر نظره وعلمه وضعفت بصيرته حتى قدح في علوم الكون وفي علوم العصرية النافعة وأعظم منه غلطا من قبل أو من قبل جميع ما قيل إنه علوم عصرية نافعة وضارها خيرها وشرها فإن الواجب التمييز بين العلوم العصرية النافعة التي لا تؤثر في العقائد الدينية آثارا ضارة وبين العلوم العصرية التي سلكت ما لا سبيل لها إليه من النظريات الخاطئة الباطلة كذلك ما نقعد هنا أن الآن يدي sciences, si on peut appeler ça des ulum, des matières, ça ne fait pas partie du din. Ce n'est pas des ulum shari'iyah, tu ne vas pas apprendre le Coran ou le hadith, là. C'est des matières, certaines de ces matières, elles sont profitables. Ils font des études supérieures pour devenir des ingénieurs dans tel domaine, dans l'industrie automobile, c'est utile pour le musulman, dans la médecine, dans beaucoup de choses, c'est utile. Et d'autres choses, c'est inutile, ça fait du mal au din. L'insan, il ne fait pas du mal à son din pour quelque chose de dunya. بعضهم مثلا عياذا بالله يدرسون الفلسفه لا فيلوزوفي والله يا اكن فائده لا في دينك بل ça fait beaucoup de mal au din ولا في دنياك ça sert à rien du tout, ça fait du mal au din et ça provoque des doutes, هذا c'est haram. Et العلوم qui sont nafi'a, الامه la besoin, la médecine ou autre, فهذا كذلك c'est important, لكن sans faire de mukhalafat. قال المبني على الجهل والضلال وعلى خلاف المعلوم من دين الرسل أي certains علوم ils sont fondés sur le kufr والإلحاد والجهل comme علم الفلسفة ils remettent en question des choses ou كذلك certains principes dans la physique ils remettent en cause le créateur et ils ont des khurafat à l'univers il vient de telle chose tout ça c'est du kadib et de la perte de temps le musulman يحضر Muslim yahdar de pas perdre son din pour des choses futiles, que ça soit argent ou autre. قال فكم لهذه العلوم الضارة من الآثار والنتائج القبيحة وكم أهلكت من ضعفاء البصائر. Ces علوم qui sont en contradiction avec notre din, c'est une fitna pour هؤلاء. قال الشيخ سعدي وكم أهلكت من ضعفاء البصائر. Combien de gens ils ont péri, ils ont tout perdu. لماذا لأنهم ils n'avaient pas une aqida solide. Ils n'avaient pas d'ilm. Ils sont rentrés dans ce système, soi-disant pour faire des études, et à la fin, ils ont perdu leur din. Bardohom, ils ont des doutes sur le Khaliq. Est-ce que c'est Allah, c'est vraiment le créateur? Est-ce que ce din, c'est ça? Bardohom, yata'anoun fil islam. Ils disent, Annas, ils ont fait des études, ils sont montés sur la lune, et Antum, vous êtes encore avec eux. Haddathana wa akhbarana wa qala al-Bukhari wa qala. Khalas, ils ont de la haine et de la rancœur envers le din. Et ils pensent que al-Kuffar, ils ont avancé. Al-Haqiqa, il a tout perdu. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Ces études, elles ne te serviront à rien. Kullukum min Adam wa Adam min turab. Vous êtes tous de Adam et Adam min turab. Tu finiras fit turab. Wa tahta al-ard. Tu seras enterré. Et yawm al-qiyama. Wa qabla dhalik fi qabrik. Ça ne te sera d'aucune utilité. C'est ulum, la philosophie et autres. قال ومن لا معرفة لهم بالدين من أمم وكم كان المشتغلون بها أعداء لدينهم وقومهم وأوطانهم وسلاحا للأعداء عليهم كثير من هؤلاء ils vivaient dans des pays musulmans et ils sont partis pour faire des études supérieures في بلاد الكفر que ce soit en Europe, aux États-Unis, en Australie, au Canada, إلى آخره et comme قال c'est devenu des أعداء لهذا الدين alors qu'à la base c'est un musulman, ses parents sont des musulmans ثم Il est parti عند هؤلاء et il a fréquenté des gens خاصة ceux qui font des études supérieures et c'est devenu des أعداء. Et tu les vois là, sur internet, dans les réseaux sociaux, كيف يطعنون في دين الله عز وجل. Pour eux, المسلمون c'est des arriérés, بلاد المسلمين c'est des arriérés, c'est des barbares. لماذا لأن الكفار ils leur ont fait croire certaines choses. كذلك ils les ont mis à l'aise, confort, niveau argent, niveau maison, etc. Et Shaitan tasallat alayhi. Le jour où il lit le Coran, où il écoute un alim min ulama sunna, un da'i ila Allah, il lui démontre qu'il faut détester le kuffar, il ne faut pas se mélanger à eux, il ne comprend plus rien. Ouyatan. C'est la cause, c'est lui-même qui a été la cause de sa propre fitna. Pourquoi les annahum ne donnent pas d'importance à la vraie éducation et de qui prendre cette éducation? Hada al-ilm. Ulama sunna, ils mettent en garde de prendre l'ilm an ahli al-bida. Ce n'est pas des kuffars. كثير منهم هم مبتدع منحرف كذلك يمتن قاعد de prendre l'ilm d'une personne tu ne sais pas c'est quoi son hal ça peut être un égaré il fait du mal أما هؤلاء ils ont pris directement عند أعداء الله عز وجل des universités en Europe ou autres يحاربون الإسلام avec بعضهم ils font مثلا des études de droit حرب للإسلام بعضهم ils font des études sur tout ce qui touche au social etc. Et il leur apprend la démocratie, la laïcité, que des choses qui harbent le Coran. Ils ne donnent plus aucun poids à « Qala Allah, Qala Rasul ». حتى يدبين مالات كثير منهم يصعد دل الإسلام عياذا بالله. فهذا الشيخ سعدي على son époque déjà ça a commencé والآن أكثر وأكثر. قال لهذا يجب الحذر والتحذير من دخول المدارس الأجنبية التي تدرس فيها هذه العلوم الضارة. Même si c'est qu'une partie, t'as pas le droit. Même si cette école, elle est fait bilad al muslimin. Léana Cheikh Saadi, là, il parle de al-madaris al-ajnabiyya qui sont venus dans les pays musulmans. Beaucoup, que ce soit au Maghreb, que ce soit en Afrique, que ce soit en Asie, que ce soit au Moyen-Orient. Beaucoup, ils ont fait des madaris ajnabiyya pour combattre l'islam. Soi-disant, c'est pour enseigner la médecine, etc. Et fait le haqiqa, ils harbent l'islam. Hatta ces étudiants, à la base, c'est des musulmans, ça devient des ennemis de leur propre pays, de leur propre dîn. Cheikh Saadi met en garde. Qu'est-ce qu'on va dire? Nous, des écoles, عند الكفر. Annahum, ils donnent aucun poids à l'islam. Belle, cette école, il te montre. Annaha, c'est une école laïque et elle est contre les religions. Et dans l'école, il te dit, le prof, yat'an fil islam. Kaif anta, ton cœur, il te laisse à placer ton enfant hunak. Là, tartar, fais attention à shaitan. Tu penses que là, il est petit, il sait pas. Là, tartar, ça va très vite. Tu vas le mettre à la maternelle très très vite. Il sera au CP, etc. Très très vite au collège, très très vite au lycée. Arrivé au lycée, t'as plus aucune emprise sur lui. Illa an yasha Allah. Il est majeur, il te dit, je suis majeur, je peux faire tout seul. Tu peux plus parler. Même avant sa majorité, tu parles, Obama, tu te fais des problèmes. Al-Kuffar, ils te feront des problèmes. Tu dois le laisser, il est libre, etc. Fal-Hadar. Al-Hadar, ne place pas ton enfant inda a'da illa, tu regretteras. Fi dunya wa qabla al-akhirah. Qala wa khususan liman la ma'rifata lahum tamma fi ad-din wa la basirata lahum fihi. Amma celui qui a du ilm, qui a de la basira, c'est lui aussi, il n'a pas le droit d'y aller. Mais s'il y va, il va comprendre que yuharibuna l'islam, il fera attention. Ma'ahada, il n'est pas à l'abri. Lakin, certaines choses, il pourra rejeter. Ma'ahannahu, il n'est pas à l'abri. Amma maskin wahid, il ne connaît rien. Et si il rentre dans cette école, c'est pour profiter. On n'a jamais vu un étudiant, il va dans une école pour ne pas profiter. Tu vas dans une école et tu fais le hajra à tout le monde. Tu fais le hajra à tes professeurs. Pourquoi tu vas à l'école? ما يتصور هذا مثلا نحن والله الحمد في الهجرة أهل البدع on va pas où qui sont. أما tu vas dans une école de مبتدع et tu dis je vais faire الهجرة à tous les مبتدع, pourquoi tu y vas? Tu dois faire الهجرة au professeur et à l'endroit. نحن مثلا الآن on déconseille, ben c'est interdit d'aller dans ces écoles pour pas, tu ne prends pas d'eux, enfin tu vas pas chez eux. Certains c'est payant, tu les aides, tu donnes de l'argent, tu dois respecter le professeur, tu fais des concessions à ton dîn. Tu dois être souriant, tu dois avoir un bon comportement. Les mains tout ça. Écarte-toi d'eux et t'es fils salam ou khir. Qala, wa khususan liman la ma'rifata lahum tamma fi ad-din wa la basirata lahum fihi, fa kayfa yarda man 'indahu din wa 'aql an yad'a waladahu wa faladat kabidihi wa yuslimuhu li madaris ajnabiyya qad 'ulima 'ida'uha li din al-islam. Ta'ammalu. Imam rahim بهذه الأمة إلى الله رحمة يقول فكيف يرضى من عنده دين وعقل. Comment tu acceptes, t'es un muslim et t'as un عقل كذلك, t'as la raison, أن يضع ولده, أي de placer son enfant, وفلدت كبده, c'est une expression en arabe pour dire que tu tiens à lui beaucoup, tu l'aimes beaucoup, يسلمه لمدارس أجنبية. يسلمه, c'est comme si tu livres ton ennemi à un ennemi. Maintenant, tu livres واحد que tu détestes à ton ennemi pour qu'il lui fasse du mal. C'est exactement la même chose. Enfin, ça rentre pas dans l'aql que cette personne que tu aimes tant, tu le poses chez ton ennemi. Faites ce que vous voulez avec son cœur, avec eux. Ah, كذا, c'est ça le waqi'. Ah, كذا, أئمة الدين réfléchissent. Amma ba'dahum, qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils vont dire là, ils font du bruit à la maison. Est-ce que pour le bruit à la maison, tu places ton enfant chez Haoula? Nous, on n'a jamais vu un kafiri, il pose son enfant fi marakiz ahli sunna. On n'a jamais vu ça. On n'a jamais vu un kafiri pose son enfant au masjid avec nous ici. Abadan. Il nous voit de loin, il fait tout pour t'éviter. Allah, il ne peut pas te regarder. Pourquoi? Parce que ce kafir, il a un bara. Même si c'est fondé sur le batil, il te déteste. Il te déteste pour rapport à... par rapport à ses passions, par rapport à son din batel, par rapport à la démocratie, il déteste l'islam. Nahnu kathir min al-muslimin, ils ont une faiblesse dans le wala wal-bara. Ça veut dire, il va te dire, na'am, c'est des kuffars, j'aime pas. Thomas, il pose son enfant. Bara, ton désaveu envers les kuffars, il y a quelque chose. Wallahi, ton ennemi, tu peux pas le regarder. Quelqu'un que tu détestes, tu lui serrer la main, t'as du mal. Ah, tu vas lui poser ton enfant et tu vas rentrer chez toi et tu vas lui laisser 8 heures. C'est pour ça que celui qui a une aqida qawiyya fil wala wal bara, et il meurt, afdallah, de poser son enfant chez haoula. Wa nas'al Allah subhanahu wa ta'ala al-salama wa al-afiyah. C'est une fitna. La tadhun que t'es à l'abri. Et nous, on ne dit pas ça pour critiquer nos frères. Abadan, c'est une nasiha. Et que d'alik, on est mouchfiq. Ça nous touche, ça nous fait mal que nos proches ou des amis ou des gens qu'on connaissait, leurs enfants, ils sont fait hadil hala. Ça fait mal. Et c'est pas, nous, on ne dit pas ça pour se réjouir. Abadan. Lakin, c'est le waqi'a. Et c'est pas trop tard, akhil karim. Comme minan nas, ils étaient dans ce système et ils sont sortis et ils sont fi khayr wa bi khayr. C'est pas trop tard. Faqat l'ijtihad. Et sabr. Ce dîn, il faut des sacrifices. Et t'inquiète pas que si tu fais des efforts, les efforts ça paye. Bi idnillahi azza wa jal. Qala. Fakayfa yarda man indahu dinun wa aql an yadha waladahu wa faladat kabdihi wa yuslimuhu li madaris ajnabiyya. Qad ulima ida'uha li dini islam. Tu sais en plus qui combat l'islam. On avait fait un dars quand on était à Dammaj ma'a ikhwanina sur les écoles. Sur les kafaras, comme ils combattent l'islam. Walillahi alhamd, elle a été propagée telle qu'elle kalima. Et on avait lu certaines choses. Kayf yuharibun al-islam. Al-an, c'est akthar. Et achad. Al-an, ils le disent, bikulli wudouh. Annahum, ils veulent plus de hada. Anta taqillah. Taqillah. Et c'est tout un système. Si tu vis là-bas, ils ont tout fait pour rendre obligatoire. Ne crois pas qu'ils ont rendu obligatoire l'école pour te faire plaisir ou pour ton bien. Là, wallah, ils l'ont rendu obligatoire pour que leurs enfants ils deviennent comme eux, leurs enfants et les enfants des koufars, pour pas qu'ils se convertissent, etc. Et pour avoir une emprise sur eux. Il y en a à l'école, ils leur enseignent des choses pour ils les formatent. Kadhalik, pour que les étrangers, que ce soit à l'époque le christianisme, ou l'islam et autres, kadhalik, ils rentrent dans ce moule. Tout le monde est formaté, c'est ce qu'ils veulent. Et ils sont prêts à donner de l'argent pour hada, la takhaf. Et cet argent qu'ils donnent, c'est ce qu'ils t'ont pris. Faqat. Cet argent que tu donnes, c'est ce qu'ils t'ont pris. Là, t'as donné, ils t'ont fait des sadaqat. C'est ce que t'as donné, t'as payé, ils t'ont pris la moitié, ils te redonnent un peu, RMI, un peu les allocations familiales. Et harab ton din. Ya akhi, taqillah. Allah al-musta'an. Qala, bel li jami' al-adiyan. Maintenant, l'école, ce qu'ils appellent l'école laïque en France, à la base, elle a été instaurée, c'est pour harb le christianisme. À l'époque, avant la Révolution française, des gens, ils étaient encore dans le christianisme. Il y avait ce qu'ils appellent le clergé, c'était dirigé par les prêtres, par l'église. Ils détestaient leur propre dîn. Et ils ont renversé cette hiérarchie. Les clergés, ils les ont enlevés avec la Révolution française. Seulement, ils ont mis l'école laïque. Il n'y a plus de dîn. Il y en a les prêtres, ils leur disaient, cette chose, c'est interdit, cette chose, tu peux pas la faire. Mohim, il y avait certaines règles. Ils ont harb le christianisme. Ils ont mis l'école laïque. Hey, séparation de l'école, de l'éducation, de l'État, etc. avec la religion. Hey, la religion, tu l'as fait chez toi. Mais tout ce qui est école, tout ce qui est administration, tout ce qui est public, il n'y a plus de dîn. Dès que l'islam, il est rentré dans les années 1950, 60, 70, Thomas, cette génération, l'un, c'est devenu des adultes, ceux qui sont nés les années 70, 80, l'un, les années 2000, des musulmans beaucoup en France, et l'école, l'un, leur nouvel ennemi, c'est l'islam. Le christianisme, khalas, il est mort, l'un, c'est l'islam. C'est pour ça que harab l'islam et toutes les religions, le judaïsme et le christianisme, l'un, eux, ils se concentrent sur l'islam. Pourquoi? L'islam, c'est dinul haqq. L'islam, il se propage beaucoup, des convertis, ils voient certains, leurs propres enfants se convertir. Ils ont mis des choses en place. Anta ihdar, t'es pas à l'abri hunak. Wallahi, fi bilad al-muslimin, les écoles, viha ma viha. Tu dois faire très attention. Beaucoup d'écoles, tu peux pas placer tes enfants. Khurafat, bida', ils ont du tasahul, ils ont du shay min at-tashabbuh bil kuffar, etc. T'en as pas besoin. Ah, ben, look, à la source, عند الكفر. Qala, ولم تؤسس إلا لصد الناس عن دين الله وتوحيده. Ces écoles, elles ont été fondées que pour combattre le dîn. Wallahi, que pour combattre le dîn. Et en même temps, des écoles qui leur profitent pour, bien sûr, pour avoir un certain niveau dans la médecine, l'industrie, pour donner un profit. Donc, ils ont fait pour profiter et en même temps pour combattre. Pour avoir un profit pour eux, combattre leur ennemi, l'islam. Fahdhar. Ha'oula. En réalité, la yu'minu billah wa la bi rasuli wa la bil yawm al akhir, c'est des kafara. Ils ont tout mis sur dunya, c'est pour ça qu'ils ont fait ce système. Anta, t'es un musulman. لا تقترب هؤلاء هؤلاء يموت على هذا الحال يصاب في النار أما أنت لا أنت مسلم في attention هؤلاء ils ont pas d'objectif في الآخرة ils ont objectif que في الدنيا ils ont tout mis dans leurs écoles نحن لا on a objectif الآخرة j'ai pas fait d'études alhamdulillah tu vas manger comme tout le monde تصبر un peu من هنا وهناك tu meurs inshallah tu seras à la khair avec tes enfants s'ils ont été éduqués à l'islam ils sont morts à la tawhid في الجنة et vous profiterez أما هذه الدنيا فلا تقترب كلام نفيس للشيخ سعدي رحمة الله عليه سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك